gros train de fret qui est en train de passer et qui salue le cortège de la manif. Très très long train qui transporte de gigantesques tuyaux. On s'approche du port de Rouen.